Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Monsieur le Président, la vérité, je la dirai car j'ai promis de la dire si la justice régulièrement saisie ne la faisait pas pleine et entière. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. C'est par ces mots que Zola prend position dans son fameux article « J'accuse » publié dans l'Aurore, le journal de Clémenceau, le 13 janvier 1898. Dans cette lettre ouverte au président de la République Félix Faure, Émile Zola, écrivain renommé et estimé, qui a déjà publié les Rougon-Macquart, 20 volumes, président de la Société des gens de lettres, adopte une position de rupture qui non seulement aboutit à la révision du procès d'Alfred Dreyfus, mais fera date dans l'histoire intellectuelle, culturelle et politique française. Voici les faits. Le capitaine Dreyfus, officier d'état-major alsacien, d'origine juive, a été condamné en 1894 à l'emprisonnement à perpétuité sur l'île du Diable à la Guyane française pour avoir livré des documents à l'Allemagne dans un contexte où les tensions avec l'Empire allemand sont très vives, 20 ans après la défaite de 1870. Le véritable traître, le commandant Esterhazy, est identifié. Mais il est acquitté le 11 janvier 1898 par un état-major qui ne veut pas rouvrir le procès Dreyfus et reconnaître les torts de l'armée. Émile Zola décide de frapper fort. Il écrit « J'accuse » et s'expose personnellement à des poursuites en cour d'assises car il met en cause les différents acteurs de l'affaire, dont le ministre de la guerre et le chef d'état-major des armées. En février 1898, il est condamné à la prison et à de lourdes amendes. Il s'exile à Londres. Jusqu'à sa mort en 1902, il restera marqué par cette affaire. Zola se retrouve dans une situation financière difficile, devient l'un des hommes les plus injuriés, les plus calomniés de France, mais il continue, malgré tout, de se battre pour demander la réhabilitation de Dreyfus. Celle-ci survient en 1906, après des polémiques qui ont enflammé la France pendant plusieurs années, divisé les familles, mis à nu l'antisémitisme qui se développe et que Barrès et Drummond ont attisé. Ces événements ont profondément bouleversé la vie politique. L'acte médiatique d'Émile Zola, la violence de son article, met en lumière non seulement le rôle de la presse qui obligea l'état-major à reprendre le procès, mais aussi celui des intellectuels. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Zola, au nom de la vérité, de la justice et de la tolérance, prend la figure de celui qui défie tous les pouvoirs pour une cause juste, au mépris de sa vie et de sa réputation. L'intellectuel entre sur la scène publique française pour jouer un rôle dans la société et il n'en sortira pas. La création de la Ligue des droits de l'homme, en juin 1898, les nombreuses pétitions, rassemblant écrivains, artistes, universitaires, scientifiques, sont les manifestations éclatantes du rôle de Zola dans cette affaire. À dire vrai, Voltaire avait déjà pris la plume pour défendre Jean Calas, protestant roué et brûlé vif, à tort, pour la mort de son fils. Son traité sur la tolérance, en 1763, avait conduit Louis XV à faire réviser le procès en faveur de Calas. Mais le mouvement d'opinion n'avait pas été le même. L'écrivain avait agi seul. Victor Hugo, en exil, avait pris position vigoureusement contre Napoléon III. Il exerçait sa verve de polémiste dans la vie politique française. Hugo était devenu la figure principale d'opposition au régime. Mais il était isolé, éloigné à Guernesey, alors que l'expression de l'opinion en France restait contrôlée par l'empereur. Zola et son fameux « J'accuse » est resté dans l'histoire comme marqueur exceptionnel du rôle des intellectuels pour lutter contre l'injustice et rétablir la vérité, assurant à ceux-ci une place importante dans la vie publique. Les écrivains et artistes, vigiles attentifs de nos libertés publiques, peuvent se tromper eux aussi, mais leur voix compte. Et c'est à Zola qu'on le doit.